Les États-Unis accusent les mesures de notre République prises pour le renforcement de la dissuasion nucléaire de menace et cherchent à convoquer une session du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 26 aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée. En voici le résumé. Profitant de l'occasion d'avoir accédé en avril à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis cherchent à convoquer une session du Conseil sur le problème d'une soi-disant dénucléarisation de notre part. Ce qui est bizarre, c'est que les États-Unis, auteurs de l'aggravation de la situation de la péninsule coréenne au seuil d'une guerre nucléaire, avec les manœuvres militaires conjointes de nature agressive et d'envergure sans précédent dans l'histoire contre notre République, tout en introduisant en Corée du Sud leurs biens stratégiques nucléaires de toutes sortes pendant les 2 mois derniers, mettent aujourd'hui en scène une farce pour faire du tapage autour de menaces de notre part. Nos armements nucléaires sont d'un bout à l'autre l'arme de la justice et la dissuasion de guerre digne de confiance pour sauvegarder la souveraineté et la dignité du pays et la paix du monde contre la menace de guerre nucléaire des États-Unis. Et les mesures que nous prenons pour renforcer cette dissuasion sont l'exercice du droit autodéfensif légal suivant la charte de l'ONU et le droit international, et donc personne n'a droit d'y chercher chicane. Le gouvernement de notre République a intenté à plusieurs reprises au Conseil de sécurité de l'ONU les manœuvres militaires conjointes d'envergure de nature provocatrice et agressive, manifestation la plus intense de la politique d'hostilité des États-Unis vis-à-vis de la Corée et de leurs menaces et chantages nucléaires qui ont causé notre détention du nucléaire. Mais chaque fois, le Conseil y a tourné le dos et adopté les résolutions interdisant nos mesures autodéfensives sans aucun fondement de droit international afin de livrer des sanctions. Le secrétariat de l'ONU aussi reste muet devant notre proposition juste et rationnelle d'organiser un forum international des juristes pour élucider le fondement juridique des résolutions sur la sanction adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui est pire, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais mis en cause un de ses membres permanents qui ont le droit de veto, alors qu'il menace des autres pays des armes nucléaires, et qu'il a livré l'attaque avec des missiles contre un pays qui n'a pas d'armes nucléaires, ainsi que ses alliés, alors qu'ils ont lancé un satellite de reconnaissance ou un missile. Les États-Unis ne sont pas qualifiés sur le plan moral pour forcer aux pays membres de l'ONU l'application d'une soi-disant résolution adoptée par un tel conseil, et les pays membres de l'ONU n'ont pas l'obligation morale d'appliquer une telle résolution partielle et injuste. Si une guerre éclate dans la péninsule coréenne, la responsabilité retombera non sur celui qui lance des frappes préventives, mais sur les États-Unis qui continuaient à durcir l'hostilité à notre égard et qui nous ont menacés avec bon nombre de biens stratégiques nucléaires et des moyens d'opération spéciale. Et le Conseil de sécurité de l'ONU qui a suivi l'intention des États-Unis ne pourra pas éviter lui non plus la responsabilité.